sans doute, qu'on peut toujours citer aussi comme exemple, قال ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب استرقوا على 72 ملة أو فرقة وإن هذه الملة أو الفرقة تسترق على ستسترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذا زنت فيرسيون زنت رواية كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي. Donc dans ce hadith là on peut voir que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas rentrer trop dans les détails, elle se divisera en 73. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en disant 73? On doit comprendre 73 communautés. هل هذا الحديث يفيد الكثرة أم العدد? Est-ce qu'on doit déduire ou comprendre de ce hadith que ce sera 73 en nombre, 1, 2, 3, 4, 5, ou يفيد الكثرة? Ou ce sera le nombre. Il y aura une quantité énorme de gens qui désireront. On doit comprendre la quantité et non le nombre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, à cette époque-là, comprenaient beaucoup et prenaient beaucoup comme exemple le nombre 70 ou le nombre 7. C'est pour ça que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les versets où Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parle du nombre 7 ou du nombre 70. Les hadiths aussi de l'Qatra. Comme quand on dit à quelqu'un, mais ça fait depuis 1000 fois là que je suis en train de t'expliquer, t'as pas compris. Est-ce que j'ai réellement expliqué 1000 fois? Non, hadiths aussi de l'Qatra. C'est pour simplement exprimer une idée de quantité grande. Donc, dans la première version, Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est mon groupe, c'est le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la deuxième version, Ma ana alayhi wa ashabi. Sur quoi je suis? Al-Qur'an et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit un hadith al-Aqal, وأتيت القرآن ومثله معه إنما يتغذى من القرآن et sont semblables avec, sont semblables sur la sunna du prophète. Donc ne faisons pas comme Al-Qur'aniyun, qui est aussi une secte égarée, qui a dit que nous ne prenons que le Qur'an. On ne prend que ce qui se trouve dans le Qur'an. Voilà, on n'a pas besoin du prophète. Al-Qur'aniyun, c'est une secte parmi les sectes qui se sont égarées. Et là, il n'y en a plus beaucoup qui sont répandus. Il y en a encore quelques-uns, mais très peu. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيديه ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه احمد والنسائي. Le message de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous traça une ligne et dit puis il traça d'autres lignes à droite et à gauche de la première et dit voilà d'autres sentiers. Au bout de chacun d'eux se trouve un démon et appelant à celui-ci, donc appelant à son chemin. وقال أيضا تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وفي رواية مثلها يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé dans une clarté dont la nuit est comme le jour, ou est semblable au jour, ne peut s'en éloigner qu'une personne voit à sa perte. Quelqu'un qui veut s'égarer, ben il s'en éloigne. Et il verra s'il aura tort, et sera obligé de revenir aux sources. Donc, beaucoup de personnes ont essayé, disons, pas de changer, mais de comprendre selon les passions, selon les avis, selon le hawa, les textes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils se sont égarés. Et c'est de ces sectes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Il dit, en faisant une dua à Ibn Abbas, Allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ô Allah, enrichis-le en science wa 'allimhu at-ta'wil. des gens qui se sont égarés et qui continuent d'égarer diront que ta'wil huna est l'interprétation. Alors que ce n'est pas l'interprétation dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Al-ta'wil bimana al-tafsir. Mais la traduction, l'explication, le sens des versets du Coran. Bimana al-tafsir wa allimhu al-tafsir. Donc il y a des gens qui disent oui, mais on peut interpréter parce que voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit sur, en faisant la dua. Donc il dit, le prophète lui-même l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous, j'ai dit, non, on ne peut pas dire ça. Voilà comment on s'égare. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit Satakuno fitanun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Satakuno fitanun. Il y aura des troubles, la fitna. Al-qa'idu فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تصرف لها تصرفه تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذر به رواه البخاري ومسلم. في حديث يقول il y aura des troubles en parlant des époques à venir, des générations après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui sera assis vaudra mieux que celui qui sera debout. Celui qui sera debout vaudra mieux que celui qui marchera. Et celui qui marchera vaudra mieux que celui qui ira en vitesse, qui se dépêchera. Celui qui affrontera ses troubles, celui qui voudra se jeter dans la fitna, disant non, moi je suis courageux, je peux combattre la fitna, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Ils le vaincront, c'est-à-dire que la fitna l'enveloppera et il se perdra. Et celui qui pourra trouver un abri ou un asile, qu'il s'y protège. Celui qui aura trouvé un endroit pour se cacher de cette fitna ou un asile, qu'il s'y protège. Et ça, ce sont les conseils de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour revenir à la salafia, on dira « Mais où est le makhrouj ?» Comment les musulmans sortiront-ils de la fitna? Allah dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu » Ça c'est la réponse tirée du Coran. « Ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa uli l'amri minkum fa in tanaza'atum fi shay'in faridduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi » واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة النساء verset 58. Allah dit, si vous êtes en litige à propos d'une chose, j'ai pas repris ya ayyuha alladhina amanu, ou vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes et ceux qui vous gouvernent. Si vous êtes fa'in tanaza'tum, si vous êtes en litige à propos d'une chose, ramenez-la à Dieu et à son messager. Ramenez-la à qui? À Dieu et à son messager. Si vous croyez réellement à Dieu et au jour dernier, cela est bien mieux et d'interprétation meilleure. Si on a un problème, pourquoi vais-je demander mon problème à quelqu'un qui a un problème comme moi? Je vais demander à celui qui n'a pas de problème. Mon créateur. Je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer lui chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous explique le Coran? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite, les compagnons jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont suivi ce chemin là on leur demande conseil, si bien sûr ils suivent le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفًا, même si ce hadith il est ضعيف, il y a beaucoup de choses à tirer. C'est un hadith rapporté par Abdu ibn Humaydin, أَخْبَرَنَا حُسَيْن ibn Ali. C'est un hadith rapporté par Husayn ibn Ali. قلنا وإن كان الحديث ضعيفا قال عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأوري عن الحارث الأوأري قال مررت في المسجد فإذا الناس يرحمك الله فإذا الناس يخوضون في الحديث إذا je suis passé dans une mosquée, j'ai vu des gens qui polémiquaient. Polémiquaient, c'est le jidal. Ah non, ça c'est pas ça. Ah si, si, ça c'est comme ça. Ah non, moi j'ai vu ça. Ah non, moi j'ai entendu ça. Ils commençaient à polémiquer. Fadakhaltu ala Ali. Il est rentré voir Ali, radiallahu anhu. À cette époque-là, c'était Amir al-Mu'minin fi zamanihi. Fakultu ya Amir al-Mu'minin. Ala tarannasa qad khadu fil ahadith. قال أو قد فعلوها donc il dit ici qu'un hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit or il y aura des troubles il y aura une fitna أو قد فعلوها قلت نعم قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول qu'est-ce que Ali lui répond Il répond à Al-Harith, il lui répond J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Yaqul, Ala innaha satakunu fitna. Satakunu fitnatun. Le prophète a dit Il y aura des troubles. Je lui demandais Comment pourrait-on en sortir Comment pourrait-on en sortir Faqult mal makharaju ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Qala kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أدله الله هو الحبل الله المتين هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لن تنتهي الجن إذ سمعه حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به سبق من قال به سبق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم من ابتغى الهدى في غيره أدله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لن تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y aura des troubles je lui demandais comment pourrait-on en sortir il répliqua tenez-vous au livre de Dieu où vous trouvez les histoires des peuples qui vous ont précédé et des peuples à venir, une loi pour trois chevaux différents. Il est la parole décisive et non pas un discours frivole. Quiconque parmi les tyrans le délaisse, Dieu le fera périr. Et quiconque cherche une autre voie en dehors de lui, il y en a qui tabouent, Dieu l'égara. Il est la corde de Dieu, la plus solide. Grâce à lui, les penchants ne seront plus écartés du droit chemin. Il n'y aura plus une équivoque, une source intarissable pour les savants. Ces miracles ne se plieront jamais. Et en l'entendant réciter, les génies s'écrièrent, nous avons entendu un Coran merveilleux. Quiconque répète ces versets aura dit la vérité. Celui qui s'y conforme aura jugé équitable. Celui qui œuvre d'après ses enseignements sera récompensé. Et celui qui en fait appel aura trouvé le chemin droit. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث ما قال كما قلنا في البداية هذا حديث كي إتخانج لا نعرفه ceux qui disent ça ce sont les محدثين ceux qui ont rapporté le hadith ils disent qu'ils ne connaissent pas ce hadith إلا من حديث excepté à Ahad, celui qu'on avait cité, qui est rapporté par Hamza al-Ziyak. Wa isnaduhu majhul. Et les narrations, elle est inconnue. Wa fi hadith al-Harith maqal. Et concernant al-Harith, il y a des choses à dire. Bien que, il y a des choses à tirer. Comme les muhaddithin classent le hadith da'if sous trois catégories. Il y en a qui diront qu'on n'a pas le droit d'utiliser le hadith da'if. Il y en a d'autres qui diront si on peut l'utiliser. D'autres seront plus sages, diront on peut l'utiliser, mais que dans des contextes bien précis. Les fada'il et l'a'mal, les terrib, les terhib, on pourra utiliser pour encourager, pour faire peur, pour faire pour mettre en garde, ou pour encourager à pratiquer des bonnes actions. D'autres diront on peut utiliser le hadith da'if pour raconter une histoire, pour raconter un fait, ou pour raconter un événement qui peut encourager à faire du bien ou qui peut nous éviter à faire un mal. Mais on n'utilisera pas le hadith da'if, c'est l'aqaïd ou l'ahkam. On n'utilisera pas le hadith da'if, ça ne se basera pas sur un hadith da'if. Tout ce qui touche l'aqaïda. On n'utilisera que des hadiths sahih. Comme on n'utilisera que des hadiths sahih pour tirer les lois. Les ulama ont fait ce travail, alhamdoulilah. Et qu'est-ce que Abdullah ibn Mubarak a dit? Al-Isnadu Minuddin. Al-Isnad, l'échelle de narration, Minuddin. Donc, alhamdoulilah, on a vu par ces exemples de versets et de hadiths qu'il fallait se baser sur Al-Qur'an ou Al-Hadith canalique, comme on l'a très bien vu dans les exemples cités. Et ici, qu'est-ce que Abdullah ibn Mubarak dit? Il dit Al-Isnadu Minuddin. Que l'Isnad, l'échelle de narration, fait partie de la religion. ولولا الاسناد اذا كان ما فاتت لي هذه النراسيون لقال من شاء ما شاء alors quiconque aurait dit ce qu'il veut à n'importe quel moment. Mais comme on se base sur des choses bien précises sur la vie d'hommes qui ont rapporté le hadith, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Avant de conclure, on dira aussi une chose très importante: quand le terme salaf donc est-il apparu dans notre vocabulaire? Et qui c'est qui l'a repris? Le terme salaf, il est arrivé avec Jamaluddin al-Afghani ou Mohamed Abdo. Eux qui ont apporté ce terme-là. Donc il remonte en 1800, disons s'il est né en 1828, on avait dit, 29, il est mort en 1887. Il a rapporté ce terme-là à l'époque où il a commencé à faire sa da'wah. Parce que c'est quand même basé sur des écrits, c'est pas basé sur n'importe quoi. Bien qu'à ce moment-là, il voyait qu'il fallait faire ça plutôt que ça. Istihada, comme a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idastihada al-mu'min al-alim, wa asaba salahu adran. Il aura deux récompenses, deux. Wa idha akhtaha salahu adran. Et s'il a fait une erreur ou il s'est trompé, il aura quand même une récompense. L'effort d'avoir cherché. Donc lui, il a fait son effort, il a fait ce qu'il avait à faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. C'est lui qui a remarqué ce terme salaf. Salafiya, salafiyun, etc. Qui après a suivi son courant, il a al-Hijaz. Jusqu'à la péninsule arabe. Et de là-bas, les ulama de la péninsule arabe ont repris ce terme-là. Pour bien différencier leur vision des choses, pour pas dire pensée ou tendance, leur vision des choses, qu'il fallait s'en remettre toujours au Coran, à la Sunna, comme les pieux prédécesseurs l'ont compris. Comme si on disait aujourd'hui, ana muslimun atba'u al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salaf salih. Enfin, diminutif, en disant as-salafiyya. As-salafiyya, c'est le fait de suivre le Coran Al-Sunnah, comme a fahimu, al-Salaf al-Salaf. Voilà. Plutôt que de dire, oh, moi je suis un musulman, je suis le Coran, je suis la Sunna, comme les plus près de ce salaf compris, ça fait trop long. Il faut trouver un terme. Mais ce terme-là, bi-idnillah, s'enlèvera. Il ne restera pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai dit, tout le monde dit que je suis musulman. Tout le monde dit que je suis musulman. Je suis le Coran. Les chiites disent que je suis musulman. Les chiites disent je suis la sunna du prophète sallam. Il y a quoi comme différence? Qu'est-ce qui le différencie de ces gens-là? C'est la compréhension du texte. Selon qui? Selon les pieux prédécesseurs. Comme les pieux prédécesseurs l'ont compris. Et non pas comme les comprennent d'autres personnes. En conclusion, on dira que Salafia, c'est un manhaj yuttaba. C'est un chemin qui est à suivre. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous. Et notre salut est que dans ce chemin. وسبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك